France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Né à Irún en 1914, Mariano Eusebio González y García connut la gloire sous le nom de Luis Mariano. L'amour est un bouquet de violettes, Mexico, la belle de Cadix, Rossignol de mes amours, Andalusia Mia. Si ces chansons sont pour longtemps encore dans la mémoire collective, on a peut-être un peu oublié aujourd'hui ce que fut le phénomène Mariano après-guerre et durant les années 50, quand il vendait des disques par millions, triomphait sur la scène du Châtelet dans les opérettes de Francis Lopez, mais aussi au cinéma. Mariano était alors l'objet d'un véritable culte. En 1980, à la faveur d'une nuit magnétique, Daniel Lefebvre partait à la recherche du prince de l'opérette en se rendant à Arkang, au cœur du Pays basque français, où Luis Mariano est enterré. Le chanteur possédait, dans cette commune des Pyrénées-Atlantiques, une demeure baptisée Mariano Coborda, la ferme de Mariano. On y retrouvait Patxi Lacan et son épouse. Redevenu alors agriculteur, Patxi avait été pendant des années le chauffeur, le secrétaire, l'homme de confiance de Luis Mariano. On y entendait aussi les fans encore nombreux à venir se recueillir sur la tombe de leur idole en ce début des années 80. Surtout des femmes, bien entendu, pour toujours amoureuses de l'éternel célibataire au sourire éclatant, amoureuses et inconsolables à vie depuis sa disparition en 1970. Bonsoir. Tout ce que vous auriez voulu savoir sur Luis Mariano et les marianistes, sans jamais oser le demander. Par Daniel Lefebvre et Bernard Treton. Les noms qu'elle me donnait. Oui, ils sont. Oui, bah, y a tout, ils sont inscrits à l'étable. Loin de vous, tout me fait mal. Un rien blesse mes yeux. Je ne suis jamais si seul que dans la foule. Paquita, quelle est cette superbe vache là, Paquita? C'est Paquita qui? Paquita qui? Qui a fait 4 jours à Paris. Rico, elle s'appelle Paquita Rico. Paquita Rico. Et bon. À côté, Sandra Sivan, c'est une Allemande. Serena de Texas. Ok, Jacqueline. Jacqueline Chambard, une partenaire du chanteur de Mexico. Geneviève Kervin, 4 jours à Paris. Alors, Ludmilla. Ludmilla, c'est dans le film Fandango. C'est Cherina. Ludmilla Cherina, oui. Et après, à côté, c'est Lolita Sevilla. Ouais. C'est dans L'Aventurier de Séville. Oui. Annie. Annie Cordy, oui. Chanteur de Mexico. Oui. Martine Carole, Je n'aime que toi. Nicole Moret, c'était dans Rendez-vous à Grenade. Et Carmen Sevilla, Violettes Impériales. Andalousie, La Belle de Cadix. tous des partenaires, soit de ses films et de l'opérette du chanteur de Mexico. Comme il dit, je veux leur faire des vacheries. Alors il a donné le mais nom. Mais c'est quand même des vaches. Moi, une vache, c'est sympathique. Non, mais c'était pour ça, ça l'amusait, quoi. Et puis il le disait à ses partenaires. Ils le savent. Tiens, viens voir ta copine, quand Annie Cordy venait, tout le monde rigolait. Donc ce sont des pancartes du temps de Louis, de son vivant. Oui, il les a fait faire. Parce que j'ai vu une photo de lui auprès de ses vaches. Qui sont en plaques émaillées. Enfin, oui, c'est des plaques émaillées. C'est oui. Des... Avec les noms de tous ses partenaires, soit dans le cinéma, soit dans les opéras. Comme ça, il dit, je suis obligé de penser à toi. Je te vois, quand je vais à la ferme, je vois immédiatement ton nom, je suis obligé de penser à c'est toi. Je suis paysan, qu'est-ce que vous croyez? Inutile de leur parler du phénomène Presley, les pèlerins d'Arkang au Pays Basque savent bien qu'il n'y a qu'un seul prince, Luis Mariano. 10 ans après sa mort, les fidèles défilent toujours devant la tombe du chanteur de Mexico et s'arrachent ses reliques. Luis Mariano est mort dans la nuit du 14 au 15 juillet 1970. Sans attendre la réunion des fidèles, des pleureuses autour de sa tombe, dans le petit cimetière d'Arkang à quelques kilomètres de Biarritz, ni le son et lumière consacrés aux chanteurs de Mexico, la célébration du culte est déjà commencée. Voici les clichés originaux, les témoignages qui tressent l'autel de l'idole à la voix d'or. Les refrains de Francis Lopez, les espagnolades de la Belle de Cadix, ressuscitent les lambris, les décors rococo du Châtelet et de son roi à la taille sanglée dans une veste de torero. Bon fils, bon frère, bon camarade, à tout jamais célibataire, Luis Mariano a provoqué en France une furia émotionnelle comparable à celle suscitée aux États-Unis par Presley. Au lendemain de sa disparition, le magasin des accessoires du Châtelet est pillé. Les épées, les capes de velours, les foulards de soie sont sans doute allés rejoindre les reliques de quelques marianistes farouches, accumulant sur son cosy corner disques, photos et statuettes votives de l'idole. Les femmes adhérant au club Mariano, elles sont près de 40 000 dans les années 50, se sont pâmées pour son œil de velours, son sourire éclatant, sa grâce latine. Elles lui pardonneront tout, même la coquetterie qui lui fait se rajeunir de 6 bonnes années. Il était né de son vrai nom Mariano González au Pays Basque et en 1914. La présence platonique de sa partenaire Carmen Sevilla et ses amours peut-être vrais avec Martine Carole. Fanatique jusqu'à le suivre de tournée en tournée, rognant sur leur salaire pour un souvenir, un sourire, une œillade, combien d'entre elles acceptent vraiment que le Mariano de leur jeunesse ne soit plus parmi elles. À Arkang, chez Patchy et Françoise Lacan. Bonjour madame. Alors Bernard Coton, je vais vous montrer les gens. Attendez, je vous montre le chemin. Vos petits enfants sont là ? Vos petits enfants sont là ? Oh non, parce que... Il y a d'une semaine sur Paris. Mais ils sont à l'école, ils finissent. Ah oui, c'est ça. Demain, enfin demain ou samedi. Vous avez une vue superbe. Oh, oui. Oh là là, ça c'est joli. Oh mon café, je reviens. Posez, bon, débarrassez-vous. Oui, je m'appelle Patchy. Bonjour. Comme j'ai vu le livre. Oui. J'étais voir mes vaches de vache, comme on dit. Ah oui. Oui, parce que. Venez là. Attention qu'ils ne s'échappent pas. Alors. Ça fait beaucoup de travail. Eh oui. Elle est loin, la ferme, là? Non, elle est en bas, complètement. Ah oui, vous êtes à pied, là? Comment? Vous êtes à pied? Non, en voiture. En voiture? Il y a un kilomètre, regardez. C'est ah oui, quand même, oui, oui, oui. Oui, là, comme ça, ça a l'air prêt, mais finalement... Il y a plus d'un kilomètre, hein, c'est tout à fait contournable. Bon, asseyez-vous, je vous porte du café. Bon, il y a toujours la pagaille, parce que les gosses, ils nous mettent... Bon, ah, c'est ma vue. Et vous avez un petit garçon, hein, ouais. Enfin, quand il avait 7 ans. On en a trois. Oui, je sais, Maïté. Maïté et Nicolas. Nicolas. Moi, j'ai été garçon de ferme, bon, je me suis engagé. Oui. Puis après, bon, je suis monté à Paris, comme je voulais évoluer un petit peu, vu que j'étais garçon de ferme. Et puis, j'ai été chauffeur-livreur pendant 2 ans. Oui. J'ai coté les fourchettes, j'avais la croix. Et puis, un beau jour, je rencontre un des cousins de Mariano, qui était à Paris. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te croyais que tu étais dans l'armée. Et puis, non, je suis chauffeur-livreur, voilà, depuis 2 ans à Paris. Et puis il me dit, tiens, tu connais pas quelqu'un qui voudrait être chauffeur pour Mariano, parce que moi j'ai besoin de rentrer au pays, et puis il cherche quelqu'un. Oh, j'ai dit, ça m'intéresserait, être chauffeur de maître, moi je me faisais tout un cinéma, vous savez, c'était rien du tout. Alors il me dit, ben, écoute, viens voir, je m'en vais pour voir Mariano. Et Mariano était placé. Écoutez, j'ai pas le temps de vous recevoir. J'ai pas le temps de vous recevoir maintenant. Revenez demain, le lendemain. Il s'excusait, qu'il était pressé. Bon. Puis après, il m'a dit, ben écoutez, vous venez me voir au Vésinet. À ce moment-là, il habitait avenue Lorraine, au Vésinet. J'ai été au Vésinet. Puis il me dit, écoutez, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que demain, vous êtes libre? J'ai dit, écoutez, moi j'ai averti tout le monde qu'en principe j'allais essayer de vous contacter. Quand il m'a demandé quelles étaient mes prétentions, oui, j'ai dit, mes prétentions, je n'ai pas à en avoir puisque j'ai jamais fait ce métier. J'ai dit, si vous voulez, vous prenez à l'essai pendant 15 jours et puis on verra. Bon, de toute façon, j'ai besoin de quelqu'un. Et puis c'est comme ça que je suis rentré. Il me dit, vous savez, avec moi, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours de repos dans la semaine. Je préfère à la fin de l'année vous donner 2 mois de vacances, hein, que vous me preniez un jour par-ci, un jour par-là. Comme moi, j'étais seul, j'avais jamais pris de vacances et ça ne m'intéressait pas. Alors, et puis, voilà, ça a duré 22 ans. Alors, moi, j'étais complètement paumé. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais rien du tout. J'avais pas l'habitude de toute cette ambiance. Ouais. Moi, je sortais de mon trou, de ma campagne. Ouais. Et puis après, bon, un an après, ben, je m'occupais de tout. Et j'avais même sa signature pour les comptes, pour les coffres, pour tout. Ouais. Parce qu'il n'aimait pas s'occuper de payer, comme si c'était notre père, mon père, mon frère, c'était tout pour nous. Avec ma femme et les enfants, c'était pareil. Il s'occupait des enfants plus que moi. Il était complètement gaga avec les gosses. Les enfants, ils s'en souviennent? Oui. Oui. Puis Mariano doit s'en souvenir. Marianine, oui, à ce moment-là. C'est comme ça qu'on dit Marianine. Marianine, oui. C'est le petit Mariano, c'est le diminutif. Oui. Mais ils s'en souviennent et puis... Comme on faisait pas mal de films de 16 mm quand on partait en voyage et pendant les vacances, alors on le repasse de temps en temps. Et les gosses, ils se voient quand ils étaient tout petits avec le parrain, quoi. Comme c'était le parrain. On a été à Malaga et tout. Il a même dernièrement, la dernière tournée qu'il a fait au Canada, eh ben, on est parti toute la famille. J'ai dit, tu es fou, on va pas partir toute la famille. Qu'est-ce que ça te fait? C'est merveilleux. Qu'est-ce que ça te faisait? Pas toi qui paye. J'ai dit, écoute, c'est la folie, partir toute la famille. Écoute, je peux le faire maintenant, autant qu'ils en profitent. Et on est parti toute la famille, ma femme, les Combien enfants. Combien de temps? On est resté 1 mois et demi, là-bas, 2 mois. Et ma femme a été obligée de rentrer avant, je ne sais pas pourquoi. Mais non, parce qu'au début, c'était au théâtre à Montréal. Oui. Bon, alors là, on pouvait être ensemble dans la journée. Ah oui, après c'était mais la après, tournée. Mais après, c'était dans différents endroits. Et puis les enfants étaient petits, c'était d'un compliqué. Les couches, les biberons, tout ça dans les hôtels, ça n'avait rien d'amusant. Et après l'opérette du Châtelet, on avait été faire une tournée en Roumanie. Puis ça avait marché du tonnerre, et puis il avait signé pour une deuxième tournée. Et il voulait à tout prix emmener toute la famille. C'est moi qui n'ai pas voulu, j'ai dit non, non, parce que là-bas, pardon. Pour avoir une bouteille d'eau d'Evian. Il n'y en a pas d'Evian. Pas de problème. Oula, alors heureusement. Puis après, quand on est rentré, il dit tu as eu raison pour une fois. Ah bon? Oui. Mais il ne regrettait pas. Et non, il ne regrettait pas. Oui. Non, mais il regrettait de ne pas avoir les gosses avec lui. Quoi. Mm-hmm. Avec sa mère, j'étais considéré dès le premier jour comme si j'étais un enfant de la maison. Quoi. Manger à la même table, partout. Descendait dans les grands hôtels comme lui. Mm-hmm. Il n'y avait pas de différence. Quand on partait en tournée, il y avait le pianiste. À l'époque, c'était Maurice Darnel. Eh bien, il descendait même dans n'importe quel grand hôtel, on avait exactement comme lui la même chambre. Mmh. Il n'y a aucune différence. Mmh. Pour ça, c'était... Et jusqu'à la fin, ça a été aussi linéaire comme... Pareil. Amitié. Pareil, toujours pareil. Pareil. Est-ce que vous avez des attachés de presse qui s'occupent encore de Mariano? Non. Je ne crois pas. Il y a des clubs. Non, il n'y a plus d'attachés de presse. Non, mais dans votre maison, chez Pathé... Oh non, mais il est évident que dès l'instant qu'on parle de ces artistes, les attachés de presse disent « Voyez Trimbach, c'est lui le spécialiste », parce qu'il est évident qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de 25 ans de s'occuper de Mariano, étant donné qu'elle s'occupera plus facilement d'Higelin ou de Becot ou de Julien Clerc ou d'Yves Duteil. Il est évident que ce n'est pas dans ses cordes et dans son sens, et que ça me revient chez moi, parce qu'en plus je l'ai connue et que j'ai des points de chute qu'elle n'a pas. Mm. Vous comprenez? Piaf, c'est pareil, et Chevalier, c'est pareil, et Mistinguette, c'est pareil. Oui, mais par rapport à tous ces gens-là, par exemple, vous pouvez nous donner des chiffres par rapport aux ventes actuellement? Oh oui, non, mais attention, ça ne se compare pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que les ventes de second catalogue, elles sont faibles par rapport aux ventes des nouveautés des jeunes, mais la nuance qu'il faut apporter, c'est que Claude François, par exemple, faisait un succès qui durait 3 mois, et qui ne se vendait plus après, et qu'il était obligé de renouveler 3 mois après. Eh bien, les ventes de tous ces artistes, que ce soit Mariano, Rina Ketty, Tino Rossi et tous les autres, n'oubliez pas que... Elles sont ce qu'elles sont, elles sont plus faibles, mais elles se poursuivront, elles se prolongeront pendant 20 ans. C'est ça la nuance. Dans un cas, ce n'est qu'un coup qui dure 3 mois, et dans l'autre, c'est un coup qui dure 20 ans ou 30 ans. Donc je ne vois pas comment on peut les comparer, parce que à la distance, ça revient au même, sinon plus. Vous savez, les auteurs, compositeurs, éditeurs de toutes ces anciennes chansons s'en réjouissent et s'en frottent les mains encore, parce que c'est une manne, une rente, qui leur apporte encore pas mal, tous les 6 mois. Alors que ce sont des chansons qui datent d'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Disons que Mariano, je ne sais pas combien il vend par an, il doit peut-être vendre 250 000 30 cm, vous me direz, c'est ça pas beaucoup. Combien, ça fait combien au point de vue Mais ça fait beaucoup, revenu, pas Au point de vue fric, j'en sais rien. Et comment ça se passe au point de vue contrat maintenant? Ce sont ses héritiers qui... Ah ben c'est très simple, c'est sa sœur et Pachi, son secrétaire, qui prennent la moitié des droits qu'il a encore d'interprète. Il leur revient à tous les deux. Et il est évident que ça leur reviendra tant qu'on vendra des disques de Mariano. Mais je suis convaincu, moi, parce que je me pose souvent la question, qu'on aura encore des disques de Mariano dans 20 ans au catalogue, c'est évident. C'est évident, parce qu'il y aura toujours un noyau qui fera... que les disques seront suffisamment rentables, parce qu'il est évident qu'on ne les garde pas des années, s'ils ne se vendent plus, on ne les prolonge au catalogue que s'ils vendent encore suffisamment. Mais dans 20 ans, il y aura encore des disques de Mariano au catalogue de chez Pathé Marconi, c'est sûr. Pour Mariano, moi j'étais tout, comme je vous ai déjà dit, j'étais comme son frère. Et pour moi, c'était comme si c'était mon père, mon frère, exactement pareil. À la maison, avec ma femme, c'était pareil. Ici, il n'y a que Mariano qui compte pour nous. Avec Mariano qui compte, moi je ne suis rien du tout. Et Pour nous, il n'y a que Mariano qui compte. Sur le piano, il y a combien de portraits de lui? Oh ben, il y en a une dizaine, et ils étaient là de son vivant, et ils sont restés là, tels que... La maison n'a pas changé, c'est exactement comme... Les amateurs d'armes, je vois, parce qu'il y a pas mal de... Oui, ça c'était moi, de son... C'était toi? Oui, quand on faisait les antiquaires, à l'époque on pouvait en acheter, puis maintenant c'est devenu hors de prix. Oui, ils sont très belles. Ça vient de... Oui, j'aime beaucoup les armes. Et tu l'avais passé dans le départ? Non, lui, il avait le goût des maquettes, de bateaux. Après-demain, jeudi, au Théâtre National de la Gaîté Lyrique, c'est-à-dire jeudi 6 octobre à 20h30, Madame Germaine Roger-Monjoie organise une représentation de sa nouvelle opérette Chevalier du Ciel au Théâtre de la Gaîté Lyrique, au bénéfice de la DOSP. Vous savez que la DOSP, je vais vous expliquer ce que signifie cette initiale, ça veut dire Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine, dont l'amiral Le Bigot est le président. Amiral, je vais vous demander de bien vouloir, en quelques mots, nous dire et nous rappeler l'effort et les bienfaits qui sont distribués par la DOSP. La DOSP est l'œuvre essentielle qui consacre toutes ses ressources à aider les anciens marins et leurs familles. Eh bien, amiral, maintenant nous allons demander à Germaine Roger pourquoi elle a été forcée de demander des renseignements à la marine et plus exactement à l'aéronautique navale. Alors, voulez-vous nous parler de Chevalier du Ciel? Parce que, justement, je montais un spectacle sur l'aéronaval, notre opérette Chevalier du Ciel. Alors, là-dedans, j'avais besoin de savoir comment étaient habillés les officiers, comment cela se passait lorsqu'il y avait un catapultage, quelles étaient toutes les choses... Les infimes petits détails, détails qui choquent les marins. C'est ça, du CI, du centre d'information. En particulier les signaux d'appontage. Et les signaux d'appontage. Parlons de la vedette qui est le lieutenant de vaisseau. Dasquin. Le lieutenant de vaisseau Dasquin. Capitaine, Luis Mariano. Déjà, je commence à le croire si vous continuez ainsi. D'ailleurs, je vois que vous portez l'insigne de l'aéronautique navale. Eh oui, c'est le ministère de la Marine qui me l'a envoyé et je suis très heureux, très honoré. Je l'ai mis, vous voyez, tous les jours. Malgré que l'amiral me dise que peut-être on va m'arrêter pour... Port illégal d'insigne. Ah, mais c'est dans le privé. Alors, Luis Mariano, puis-je vous demander quel est le rôle du lieutenant de vaisseau? Eh bien, comme tout marin qui se respecte, et c'est un joli cœur. Il a un amour dans chaque port, puisque nous pensons tous que c'est la vie du marin. Et je suis embrouillé dans une petite histoire d'espionnage, mais naturellement, je triomphe et je me marie avec une très jolie bretonne à la fin. C'est un rôle qui a beaucoup, beaucoup d'entrain. Il est très gai. Je suis très heureux de porter pour la première fois l'uniforme. Je le porte cette fois-ci un peu comme un donjon moderne. Et je suis d'ailleurs, très flatté de le porter, oui. Eh bien, Luis-Henri, je vous remercie, mais je crois qu'à propos de l'uniforme, il y a eu une petite erreur et je crois que Mme Germaine Roger l'a fait rectifier immédiatement. Ah là là là, quelle histoire! Un jour, je suis arrivé au photographe, il me dit: mais qu'est-ce que c'est cet uniforme? Tu n'es pas pourtant aviateur? J'ai dit: non, je suis de l'aéronavale. Il dit: mais alors les uniformes de l'aéronavale sont croisés. Alors ça fut une drôle d'histoire. Cette pauvre Germaine criait à tous ses dieux. Finalement, en 3 jours, il a fallu refaire tous les uniformes croisés de tous les officiers. Alors, pour que vous voyez, mon amiral, qu'on arrive tout de même à essayer de nous rapprocher le plus possible de la réalité. Je crois, lieutenant de vaisseau, que vous allez avoir une observation de la part de l'amiral Le Bigot, car vous devez lui dire « mon amiral ». Et ça, je crois que c'est une grave erreur. Amiral, je vais vous notifier tout de suite. D'accord, mais je ne voulais pas lui faire de reproche. Au contraire, je voulais le féliciter, car nous allons le nommer marin honoraire, car il épouse une de mes compatriotes, bretonne. De Plougastel, d'ailleurs. Ah, de Plougastel, eh oui. Rade de Brest, et la province bretonne fournit beaucoup, beaucoup de marins, et des marins aussi bien de la marine militaire que de la marine marchande et de la marine de pêche, que nous secourons tous. Mais vous savez, amiral, que je fais partie déjà, je suis membre d'honneur des cols bleus de Bretagne. Ah oui, je suis déjà un peu dans la marine. Eh bien, amiral Luis Mariano, je vous remercie. Rappelons donc que Chevalier du Ciel, l'opérette que monte actuellement Madame Germaine Roger au Théâtre de la Gaîté Lyrique, sera donnée le jeudi 6 octobre au bénéfice de la DOSM. Et signalons que le samedi 8, tous les artistes, Luis Mariano, Claudine Serreda, Germaine Roger, directrice du Théâtre de la Gaîté Lyrique, iront au Salon Nautique pour faire entendre les airs les plus charmants, les plus agréables de cette opérette Chevalier du Ciel dans le cadre du Salon Nautique International sur les berges de la Seine. Les goûts des maquettes. Et puis alors peindre. Il les faisait lui-même, ces maquettes? Non, il n'avait pas le temps de les faire. pas le temps. Mais il aimait les acheter. Quoi. Il aimait beaucoup les maquettes de bateaux. Et la peinture. Et la peinture. Alors, quand il avait un moment, c'était son dada, la peinture. Ou alors, sitôt qu'il avait une feuille de papier, un crayon, il avait besoin de donner un coup de téléphone, ben en attendant, pof, il y avait un dessin sur le bottin, sur l'annuaire de téléphone, sur n'importe quoi, il fallait qu'il dessine. Ah oui. Moi, je veux qu'on respecte sa mémoire, et j'essaye de la respecter le mieux possible. Je ne sais pas si je fais bien ça, mais j'essaye du moins. Et il avait perdu son père, sa mère et sa sœur est partie en Espagne. Et puis il avait plus, il a un cousin ou deux là en Espagne qui vient de temps en temps, mais c'est tout. Il n'avait plus de personne. Quoi. Oui. Moi, avec lui, je m'étais fait une famille, et lui avec mes enfants, il s'était fait une famille. Quand il avait son hépatite virale avant de partir en clinique, je ne vais pas m'en sortir hein, de cette époque. Puis s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que vous allez devenir, mes pauvres enfants? Et comme ça, à ma femme, puis j'étais avec au bord du lit. Là. Bon, que je te raconte, je dis, tu vas rentrer en clinique, on va te faire le traitement, on va te requinquer, tu vas être comme un canon. Oui, comme un canon, c'est tout. Mais je crois qu'il avait pas s'il avait un pressentiment ou s'il se sentait, ou il se voyait en lui-même, je ne sais pas. Et il voulait à tout prix reprendre comme il avait simplement encore un mois et demi pour terminer le Châtelet, comme c'était sa dernière opérette. Il voulait à tout prix reprendre pour terminer puis en beauté. Le destin a voulu autrement. Et tout le temps, il disait, oui, ben, écoute, tout ce que j'ai, c'est autant à toi que je dois, et tout ça, je ne dis pas du tout, il n'est pas question. Puis après, bon, quand j'ai les enfants, il me dit, écoute, il faut qu'on arrange les papiers, vraiment, parce que s'il nous arrive un accident, et parce que c'était sous l'antise, il avait toujours peur qu'on ait un accident sur la route, il dit, tu te rends compte, hein, 20 ans que tu travailles et pour un institut tu n'as rien et ta femme va se retrouver avec les gosses sur les bras, alors il faut... On avait besoin de n'importe quoi et il était toujours tu achètes ceci, tu achètes cela. Puis je dis non, mais il dit de toute façon c'est pareil avec ton pognon, c'est avec mon pognon. Il me disait alors, je dis mais Léon, il n'y a pas question. Et bon, allez. La première année, quand le gosse était petit, bon, on était parti en vacances à la maison à Malaga et naturellement moi je conduisais la Rolls et pour Paris on avait une 5000, alors ma femme était dans la voiture avec la 5000 et puis le gosse, puis on se suivait, puis au bout d'un moment il dit bon écoute hein, bon, tu vas filer devant et puis moi je vais descendre, hein, je vais aller en 5000 avec Françoise pour pas la laisser toute seule. Et puis bon, moi j'avais filé devant, et puis c'est arrivé qu'ils sont tombés en panne, en pleine nature. Et comme c'était moi qui avais l'argent et les papiers, alors il y a ma femme et Mariano n'avaient pas un sou, rien du tout. Ils ont arrêté un camion, ils se sont fait dépanner par le camionneur. Et puis après, il s'est excusé, il dit, écoutez, je suis Mariano, je n'ai même pas un sou sur moi, je ne peux même pas vous... Je ne sais pas comment vous remercier. Et tout. Alors, le camionneur, il était ahuri, quoi. Il n'a jamais un sou sur lui, jamais un papier, parce que de toute façon, quand il... C'est toi le banquier. Il avait les papiers, souvent, on lui prenait les papiers. Et comme pendant un certain temps il était apatride, c'était une carte d'identité, un genre d'accordéon, c'était toute une histoire pour refaire les papiers. Alors il avait décidé, il n'avait pas de papier. Quoi. C'est plus simple. Puis, de toute façon, tout le monde le reconnaissait. Ce qu'il y a de... Est-ce que tu trouves qu'il y a une baisse de fanatisme, toi, personnellement, par exemple? Tu vois, quand tu as été ennuyé après sa mort par tous les gens, toutes ces femmes qui sont venues te voir, est-ce que tu trouves que ça a un peu baissé cette Ça a baissé, si l'on veut, oui, ça a baissé. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Alors, je ne sais pas si c'est par admiration ou de la curiosité, mais il y a toujours du monde. Et il y en a d'autres, vraiment, qui font des pèlerinages, qui viennent passer les vacances à Arkhang. Il y en a que je connais depuis longue date ou que j'ai fait connaissance depuis la mort de Mariano, parce qu'ils viennent chaque année, ils veulent être à Arkhang pour... aller se recueillir sur la tombe, mais il y en a d'autres qui viennent, et ben, je ne sais pas si c'est des curieux ou... Des admirateurs. De toute façon, il y a les autocars qui font le circuit touristique dans la région. Arkhang est prévu dans le circuit pour que les gens puissent aller voir la tombe de Luis Mariano. De la mer, auprès d'une église qui dresse comme un dernier fronton le mur de son clocher, il est un cimetière émouvant de tendresse où le soir passent les bergers. Pas de tristesse, un peu de gravité, un peu de calme et de mystère, et surtout l'immensité de notre lumière et la mer. Reflétant le sourire de Dieu. Cher Louis, tu m'as dit un jour que ce poème que j'ai écrit il y a fort longtemps et que tu aimais avait compté pour quelque chose dans ta décision de choisir Arkhang pour y édifier ta maison et y préparer cette dernière demeure où reposent déjà tes chers parents. Mais aucun de nous ne pouvait jamais penser que toi-même y viendrais y dormir près d'eux si vite. Ton dynamisme, ta merveilleuse santé, ta jeunesse en un mot, tout faisait penser que tu poursuivrais de longues années encore ta carrière éblouissante. Carrière éblouissante, certes, s'il en fut jamais. À ta naissance, tes marraines, les fées, avait déposé dans la corbeille de ton destin un don merveilleux, ta voix. Cette voix que nous avons tous aimée, admirée, cette voix qui ressemblait à du soleil par son éclat et aussi par sa douceur veloutée à un crépuscule d'été. Cette voix dont tu faisais don au public tous les soirs, à tes amis, les plus grands comme les plus humbles, avec une générosité que rien n'égalait. Car tu adorais ton public autant que ton public t'adorait. Peu, très peu de vedettes ont connu une telle popularité. Tu chantais aussi naturellement qu'un oiseau chante, et on peut dire que ton cœur était dans ta gorge et que chaque fois que tu chantais, tu donnais ton cœur. Comment jamais oublier ton rire éclatant, joyeux, communicatif, car tu débordais de vie, de gentillesse, de gaieté. Et comme je le dis souvent, la gaieté, c'est beau comme la lumière. Rire, c'est déjà de la bonté. Malgré tes innombrables et retentissants succès, tu avais su rester simple, accessible à tous, ce qui n'était pas le moindre de tes mérites et de ton charme. Mon conseil municipal et moi t'avions fait citoyen d'honneur de la commune. Il n'en fut pas de plus illustre. Aujourd'hui, je suis l'interprète de mon fils, maire à son tour, de son conseil municipal, et j'ose l'affirmer de toute la population du village pour te rendre ce dernier hommage. Certes, nous éprouvons tous un grand chagrin devant une disparition si soudaine, si imprévue, si prématurée, mais pour toi, n'est-il pas plus beau, plus conforme à ton caractère, à tes goûts, de finir en beauté au sommet de ta carrière? Tu es sorti de la vie comme tu sortais de scène après une représentation triomphale, et tu laisseras de toi dans notre souvenir une image intacte, exempte des déchéances successives qu'apporte la vieillesse. N'est-ce pas mieux ainsi? Maintenant, cette voix d'or s'étue à jamais. Tu vas reposer dans cette terre basse que tu as tant aimée, auprès des tiens, dans la foi de ton enfance, dans ce cimetière, où, ainsi que je le disais, dans cette chanson sur Arcangue que j'écrivis pour toi tout dernièrement, il passe par-dessus nos tombes un souffle d'amour et de sérénité. Cher Louis, mon ami, nous ne t'oublierons pas. Quand il est tombé malade, bon, il avait eu l'hépatite virale, puis ça commençait à aller très bien. Et il n'arrivait pas à monter les escaliers assez vite. Et il y avait le docteur et puis le cardiologue. Il dit, écoute, j'ai toujours ce point-là qui me gêne. Comme on lui avait fait quelques années avant un traitement à base d'héparine, qui lui avait réussi très bien. Alors il avait demandé au docteur qu'on lui refasse ce traitement. Et le docteur dit oui, surtout que ça vous a bien réussi. C'est bon. Le lendemain, on commence à lui faire le traitement. C'était des piqûres dans le ventre. Et aussitôt après, il avait un gros hématome qui était mais vraiment quelque chose de très très vilain, tout violet. Alors le docteur est venu, on a mis ça sur le dos de l'infirmière qu'elle avait raté la piqûre. Alors le cardiologue lui dit, eh bien, écoutez monsieur, maintenant vous allez venir, on fera ça à la clinique avec du sérum, par sérum. Et un samedi, on a pris la voiture, je l'ai emmené, mais très bien, il est monté dans la voiture, tranquillement. On était à la clinique. Et là-bas, en arrivant à la clinique, il me dit, bon, écoute, tu peux rentrer, aller t'occuper de tes vaches, parce qu'il sait que j'aime beaucoup être avec le bétail. J'ai dit, non, il n'y a pas de raison, on ne s'est jamais quitté, pourquoi je vais partir maintenant? Et bon, je suis resté le samedi. J'ai passé la nuit là-bas et le dimanche ma femme est arrivée avec les gosses. Les gosses ont commencé à chahuter, monter sur le lit, ils rigolaient avec les gosses, il était vraiment bien quoi. Et le lundi, matin, il commençait à se plaindre de la tête. Alors, de lui donner un cachet d'aspirine, qu'il avait mal à la tête. Je lui dis, non, écoute, on est en train de te faire un traitement. Mais si, un cachet d'aspirine, c'est rien du tout. Je lui dis, non, il n'y a pas de raison. J'ai appelé l'infirmière. Puis alors là, on a vu de l'affolement. Et après, le docteur est venu. On lui a débranché tous les appareils. Et puis, le midi, on lui a apporté à manger. Il a très, très bien mangé. Et il se plaignait toujours de la tête. Et une fois qu'il a mangé, il me dit, bon, écoute, je vais dormir un peu, je suis fatigué. Je lui dis, oui, t'es fatigué, écoute, il faudrait que tu dormes, parce que depuis samedi, tu n'as pas fermé l'œil, pour ainsi dire, t'es émotionné, et puis tu fais une bonne sieste, ça va aller mieux. Il a commencé à s'endormir, il a commencé à parler de théâtre, de costume, et puis si je chahutais, et puis d'un seul coup, il s'est réveillé, il me dit, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai dit, t'étais en train de rêver, là, t'es tellement fatigué, là, tu rêves. Tu me demandais si j'avais chahuté, tu parlais de théâtre. Oh, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Il s'est rendormi, il ne s'est jamais réveillé. Il est rentré dans le coma. Il n'a pas souffert, en fait. Non, il avait une hémorragie cérébrale. Oui. On lui avait fait ce traitement qu'on n'aurait pas dû lui faire. Il avait tout le corps, l'organisme était trop faible. Mm-hmm. Alors ça lui a provoqué une hémorragie cérébrale. C'est comme à la première piqûre, quand on lui a fait dans le ventre, c'est ce qui avait provoqué cet hématome. Autrement, l'hépatite virale était terminée, il avait repris du poids, il était vraiment très bien. Quoi. Donc il y a eu deux étapes, en fait. Oui. Il est mort le 15 juillet. Il est mort le 14 juillet. Dans la nuit, dans la nuit du 14 juillet au 15. Ah, moi j'ai toujours reçu la valise à la radio antique. Ils n'ont pas dit ça à la radio. À la radio, c'était comme les témoins le 15. Le 15, à 2h du matin, du 15. Vers 11h, 11h30, après, bon, ils l'ont annoncé vers 2h du matin, mais Moi, j'ai toujours lu aussi que c'était le 14. À 2h du matin. Tout le monde était au courant plus ou moins deux jours avant sa mort, les docteurs, puisqu'ils ne sortaient pas du coma. Et alors, il y avait tous les journalistes et télévisions qu'ils étaient prêts pour attendre de nous voir sortir, pour pouvoir nous photographier, nous voir pleurer, quoi. Ça, je trouve le côté cruel et malsain des journalistes. De voir les gens dans la douleur, dans la souffrance. Et on a été obligé de sortir par des sous-sols, cachés. Et en arrivant au Vésinet, on avait les gars de la télé et de la presse qui étaient près du portail, là, les flashs, tout était prêt. Et la radio aussi. La radio, prêt à nous photographier. C'est vrai, c'est... Bon, je comprends qu'ils fassent leur boulot, mais... Il y a un minimum de... Prendre les gens comme ça dans la douleur. Pour c'était entrer, tellement proche pour de entrer Louis. Au Vésinet, quand nous avons perdu Mariano, j'ai été obligé d'escalader... Le mur, rentrer dans une propriété chez le voisin, escalader le mur, parce que je voulais pas qu'il me voie en pleurs. On était. On ne savait pas ce qui nous arrivait. On a envie d'envoyer promener tout le monde. C'est vrai. Le spectacle continue, c'est la loi du théâtre. Le Châtelet hier soir affichait la Caravelle d'or, le rideau allait se lever, mais la représentation ne pouvait ressembler à celle des autres soirs. Le Châtelet, ce soir, est en grand deuil. Nous avons perdu notre Louis Mariano. Néanmoins, il est une tradition dans notre métier. C'est que la vie continue, c'est que le théâtre continue. Je voudrais quand même vous dire que ce soir, nous voulons tous, toute la maison, dédier la représentation que nous allons donner à la mémoire de Luis Mariano. au cimetière, j'ai trouvé qu'elle était très sobre, elle est belle, la tombe. Mais c'est comme ça qu'il voulait sa tombe. J'ai été avec lui quand il a choisi l'emplacement. Et c'était pour faire le caveau pour sa maman, pour son papa et puis sa maman. Et puis même encore, il dit, tiens, tu vois, regarde, plus tard, hein, quand je serai là, eh ben, je pourrai surveiller la maison, parce que c'est juste en face. Oui. On voit très bien la maison du cimetière, de la tombe. Ah bon ? Et moi, je tiens à ce que la tombe reste telle qu'elle est. Il y a beaucoup de... Il y avait des bouquets de fleurs, hein. Oui. Il y en a plein. Oui. Et alors, attends, il y avait un message, commentary. On veut que la tombe soit nette avec des fleurs. Tu as raison. Parce qu'autrement, il y en a un qui porte une plaque d'une façon ou d'autre façon. Une fois, il y a des admiratrices. Bon, c'était parti d'un très, très bon sentiment. Ils voulaient... C'était pour la Noël, je crois. Oui, c'était pour la Noël. Ils avaient fait un décor de violettes impériales sur la tombe. Alors, ils avaient fait même des poupées, hein, habillées avec... Ils avaient habillé la poupée... avec le costume de violettes impériales, ouais. Et il y avait le couple, quoi, puisque c'était, il y avait l'autre poupée qui était habillée avec le costume, comme, exactement comme Carmen Sevilla, mais c'était des poupées qui faisaient 40 cm de hauteur. Ah, quand même, ouais. Oui, c'était, ben, j'ai pas pu les laisser. Oui, tu m'as dit, il y avait la caravelle. Oui, ben ils ont fait reconstituer une caravelle, quoi, en fer forgé. Et puis alors, c'était garni de fleurs, c'était très très joli. Mais autrement, je tiens pas. Je préfère qu'elle reste vraiment simple comme il voulait. Mm-hmm. Avec naturellement, il y a toujours garni de fleurs, mais des fleurs, des bouquets, mais pas de décor. Pas de mise en scène. Et comme il y a beaucoup d'admiratrices ou des admirateurs qui rapportent un pèlerinage à Lourdes ou d'ailleurs des petites plaques souvenirs. Nous avons été à la grotte de Lourdes, nous avons prié pour toi, ou je suis obligé de le supprimer parce qu'il y en aurait tellement, et puis ça fait fouillis. Mais ils avaient commencé à faire des espèces de plaques de cheminée. Bon, une fois, il y avait une espèce de tableau en étain qui était vraiment... Ils vendaient ça, c'était un prix exorbitant, et puis ils avaient fait ça sans demander la permission. Et j'y tiens pas, parce que si on laisse faire... une chose, ça emmène une autre, et puis bientôt on le trouvera en cendrier, en tire-bouchon, et je trouve qu'un mort, il faut le respecter. Bon, qu'on fasse une statuette, d'accord, un petit buste, d'accord, mais aller le faire en cendrier, en tire-bouchon, en n'importe quoi, ça, moi, j'y tiens pas. Et surtout, je veux pas qu'on fasse un commerce autour. Bien sûr. Je veux... Il n'y tenait pas et je tiens à respecter sa mémoire, c'est il tout. Il n'y tenait pas, mais il avait été forcé pour le club des marianistes, les foulards de soie, les choses comme ça. Ah ben, c'était pendant le chanteur de Mexico, ça. Ah, c'était seulement pendant le temps, oui, de l'opérette qu'il avait, oui, été... C'était... Mais je crois que ça ne lui plaisait pas tellement. Non, mais il y avait tous les artistes, on avait fait même le zoo des vedettes où il était dessiné, on l'avait dessiné en perroquet. Je cherche un cadeau. Pour une amie marianiste, là, alors, il y a, je vois, il y a des disques, là, de Luis Mariano. C'est-à-dire, riche de là-bas, parce que c'était l'avant-dernier. Il chante le Pays Basque, là. Oui, bien c'est trouvé. Typique de la région. Bien d'ici, oui. Oh, après, il y a le petit message, ce n'est qu'un discours et deux poèmes. Un discours de Luis Mariano? Non, c'est le discours sur l'enterrement avec deux poèmes. Ah oui. Et qu'est-ce que, vous le vendez beaucoup, ce disque? Ah oui, c'est remarqué depuis... Au marianiste l'été, c'est-à-dire pas spécialement, mais enfin... Mariano chante Pays Basque, c'était l'avant-dernier, et il y a une dédicace parce qu'on avait nommé citoyenne d'honneur d'Arcan. Elle a été nommée citoyenne d'honneur. Et puis le petit disque, c'est le discours du jour de l'enterrement. Ben enfin, on est déplacé là, on se maintient à ça. Vous faites de l'artisanat autrement? Oui, parce que le magasin existe bien, avant 65. Est-ce que... Votre plus grosse clientèle, c'est les médianistes, c'est les cartes qui viennent. On ne croyait pas ça. Non, il y a 22 ans que le non, pas 22 ans, mais enfin, on est... C'est Mariano, il y a que 10 ans qu'il est mort. Ouais. Nous existions alors. Ah bon, oui. Alors, ne croyez pas que Mariano nous a apporté beaucoup de choses. De clientèle. Nous ne cherchons pas, nous autres. Non, oui. C'est-à-dire, on a les cartes et ça, j'avoue, que... oui. Mais il y a plus d'inconvénients que de... Parce que c'est un brave homme. Comment ça, plus d'inconvénients? Parce que réellement, on le monte dans les points. Quand il y a des cartes de... On veut l'exploiter. Nous autres, on ne l'a jamais exploité. La bêtise humaine, s'il avait voulu, avec des monstres de cravate, vous je l'aurais fait. Vous connaissiez? Je cherche. Ça n'a pas d'amour. Alors, ne cherchez pas. Si vous êtes journaliste, ce n'est pas la peine. Je crois que ça se fout. C'est mal. Vous êtes bien, Luis Mariano, pourtant? Il est très bien, puis après, c'est tout. C'est un homme comme un autre. Qu'on ne monte pas l'épingle, qu'on n'en profite pas. Hein. C'est un mot. Hein. Non, c'est-à-dire, bon. Nous, on a. Voilà, ah, rien qu'il nous donne, et on s'est maintenu comme ça, il n'y a rien à faire. Mais non, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter parce que. Vous achetez le disque. Oui, il est pas mal. Remarquez, c'est. Non, vous avez vu cette marque d'argent. Nous, on a que. Les journalistes, alors, de France Soir et France Image, les couvreurs. Mais on n'est ni de François, non, non, ni de dimanche, n'importe quel et qui dit qu'on est journaliste. En fait. Parce que les mensonges qui vous sortent dans les journaux, on voit des gens qui se cisaillent. Alors quoi, encore il y a 15 jours, et faire quoi être ici, je vais rien dire, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est bon. Bien, ben merci. On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. La petite auberge d'Arcan, je l'apprécie énormément, le cimetière aussi. Je crois savoir que vous venez ici pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de Luis Mariano. Je peux vous parler de lui en vous disant que nous avions des amis communs et que nous le rencontrions assez souvent à Nice, dans un hôtel, tenu par ses amis en question. Et Luis, qui était un passionné, contrairement à ce que l'on peut croire, du sport, et du cyclisme en particulier, venait assez souvent aux étapes d'un Tour de France, nous apporter son témoignage d'amitié et de sympathie. Et c'est un garçon naturellement gentil, d'un contact très très agréable, et il arrivait, parfois, au soir, d'une étape difficile, si Luis était là, lui demandions l'équipe de France, nous chantait quelque chose, et Luis se prêtait toujours avec beaucoup de cœur et d'amitié à cela, et nous faisait oublier les étapes, l'étape de la veille et celle du lendemain. Il suivait avec intérêt le déroulement de l'épreuve, il connaissait les places au classement général, et je tiens à souligner ceci, c'est sa grande gentillesse naturelle. Vous avez quel âge, Luis? J'ai 55 ans. Et lui, ça conserve le vélo. Hein. C'est gentil. Vous savez, après la mort de Luis Mariano, tout le monde a pleuré la disparition de ce garçon extraordinaire. Et puis, je vous avoue franchement que j'ai un peu oublié ses disques pendant un certain temps. Et il m'arrive parfois de repasser du Luis Mariano et d'apprécier plus que jamais la qualité de sa voix et des chansons qu'il avait, des opérettes qu'il avait créées. Mm-hmm. Quel est votre préféré? L'Auberge du Cheval Blanc. L'Auberge du Cheval Blanc? Oui. C'est lui qui chantait cela? Oui. Je ne savais pas. On oublie tout, le soleil de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Vous l'avez vu au Châtelet, l'auberge? Oui, bien sûr, oui, je l'ai vu. Et c'était lui qui jouait? C'était lui qui jouait. Et bien sûr, la Belle de Cadix, qui rappelle des souvenirs déjà bien lointains. Vous pouvez nous chanter un morceau? Alors là, je crois que je vais faire sauter le micro. Quelle semaine fait quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Moi, je suis né dans la rue commerciale de la ville. Ça s'appelle la rue La Douane, vous en doutez. Dans un pays frontalier, c'est tout à fait normal. Mon grand-père était douanier et ma grand-mère était sage-femme. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'on m'a baptisé dans ce pays, que je fais la commune dans ce pays, qu'on ne m'a pas marié dans ce pays parce que je ne suis pas marié encore, mais ça ne veut pas dire qu'un jour ça sera fait. Voilà. Vos chansons, les chansons, sont-elles souvent inspirées par le Pays basque? Oui, beaucoup. Dans les chanteurs de Mexico d'ailleurs, tout le départ était basé sur mon pays. Je fais un jeune basque qui part du pays. Mais alors, je recevais des lettres des admiratrices, etc., me disant « Oui, vous ne chantez pas assez, vous êtes habillé en moderne, ce n'est pas ça qu'on veut, on veut voir de l'opérette, etc. » Dans le fond, on ne veut pas de Luis Mariano en complet veston, aussi beau soit-il, mais on le veut avec des manches bouffantes, avec du strass partout, des paillettes, on le veut brillant, Luis Mariano. Et voyez-vous, tout ça, c'est très embêtant, parce que je voudrais quand même que les gens comprennent que je n'ai plus 20 ans, que je devais faire 47 ans, et quand même, il faudrait que j'évolue un peu, que je sois moi-même. Le public ne veut pas comprendre ça. Le public veut toujours retrouver le Mariano d'il y a 20 ans et malheureusement le public aussi a vieilli puisque maintenant c'est les filles des admiratrices que j'avais à mes débuts qui oui, viennent. Est-ce que vous avez les filles justement? Ah oui, oui, oui, et c'est très drôle parce qu'il y a des fois les mères viennent avec leurs filles qui ont déjà 19, 20 ans et qui me disent vous voyez, je vous amène ma fille. Nos deux amis de Bayonne, là, les deux marianistes ex-parisiennes qui ont tout abandonné après sa mort pour venir habiter à Bayonne. Et il paraît qu'elles viennent sur la tombe. À tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc dimanche, je risque de les voir. Oh oui, sûrement. Oui, oui, oui. Vous savez que Colette, elle avait une très très bonne situation à Paris, elle a tout plaqué. Chez Walt Disney, oui. Ça, ouais. Puis après, ici, on dit qu'il n'y a pas de travail, je ne sais pas comment elle fait son compte. Hein, aujourd'hui, elle est là, demain, ça ne va pas, ça ne lui plaît pas, elle change. Je crois qu'elle a fait toutes les boîtes de Bayonne et puis tout le monde la reprend si bien parce que c'est une fille qui connaît son métier et puis qui est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est contente. Dame. Puis après, elle avait le cafard de Paris, elle a tout plaqué, elle est partie à Paris. 8 jours après, elle travaillait à Paris. Oui. Puis après, elle ne pouvait pas, elle est revenue ici, aussitôt en arrivant. Entre... Ça, c'est la pièce que vous avez consacrée à Luis Mariano, alors? Oui, c'est une pièce consacrée à Luis, avec beaucoup de souvenirs, et notamment, la chose qui me tient le plus à cœur, c'est ce portrait de la Duchesse d'Albe qu'il avait dessiné pendant Le Prince de Madrid. C'est assez impressionnant, vous avez même des vers, des poupées, des photos. Vous savez, il y a surtout des photos, Et puis, bon, bah, ce tableau, et puis, bon, la poupée du prince de Madrid, le lion, puisqu'il était né sous le signe du lion, enfin, beaucoup de choses. Enfin, surtout des photos de lui. En fait, c'est le plus important. Ça, c'est la caravelle d'or, là. Oh. Oui. Enfin, si l'on veut. C'est la caravelle d'or, oui, si l'on veut, oui. Enfin, tout au moins, c'est pour rappeler la caravelle d'or. C'est très émouvant, oui. Et tous ces petits objets, là, avec Louis en photo partout, dans vos réveils, sur la petite chaise avec la guitare et tout. Oui, c'est une chaise espagnole. Oui. Vous l'aviez connu, Louis ? Oui, oui, je l'ai connu pendant le prince de Madrid. C'est-à-dire que je crois que vous habitiez Paris, vous travailliez j'habitais à Paris. Paris, oui, je travaillais à Paris, j'habitais Paris et puis beaucoup de choses, enfin. Et depuis sa mort, vous avez décidé de venir vivre à Bayonne ? Oui. Je suis venue quelques temps après, puisque j'ai eu des problèmes de travail au départ, naturellement. Vous pensez, s'installer à Bayonne, quittant Paris, c'était pas tellement facile. Enfin, j'ai pu venir en juin 71. Et alors, vous allez à Arcang sur sa tombe régulièrement ? Ben, j'y vais au maximum, enfin, pas toujours comme je voudrais, pas aussi souvent, disons qu'au début aussi, parce que malgré tout, la vie reprend le dessus, et heureusement. Mais enfin, j'y vais quand même, hein, c'est souvent. Et vous la fleurissez à chaque fois ? Ben, je la fleuris, avec des amis et tout ça. Je crois que vous avez une amie qui vient de Bayonne aussi, enfin, qui est venue de Paris à l'origine. Oui, c'est exact. Voilà. C'est exact. J'ai son nom d'ailleurs. Oui. Ginette, non. Non, Paulette. Paulette, c'est ça. Oui. Et alors elle vient de Bayonne. Non, elle vient de Paris aussi. À pied, non, je veux dire, elle vient de Bayonne à pied. Arcand. Oui, ça lui arrive aussi, oui. C'est un pèlerinage. Oui, oui, absolument, oui. Elle s'occupe beaucoup de la tombe et des fleurs et tout ça. Il paraît qu'elle nettoie la tombe. Oui, oui, oui, c'est elle qui la fait, s'en occupe. D'ailleurs, elle l'a connue beaucoup plus que moi parce qu'elle l'a connue pendant 22 ans. Hein. C'est bien, c'est beau. C'est beau. Et alors cette immense palette, là, Louis Mariano. C'est lui qui avait fait cette chose, non, absolument pas. C'est le présentoir des disques au Châtelet pendant le Prince de Madrid. Il y a une chose là, c'est votre disque, ça m'a frappé parce qu'il y en a aussi dans votre salon. Oui. Ça, c'est quoi cette photo avec ce disque d'or ? Eh bien, simplement, c'est une photo que j'ai découpée, que j'ai arrangée dans un disque d'or, que j'ai arrangée aussi en disque d'or. Vous avez tous ces disques, Mariano ? Oh, j'en ai. Non, tous non, mais enfin, j'en ai quand même pas mal. Hein. Oui. Vous avez une chaîne, un électrophone, quelque chose là, pour vous écouter ? Oui, oui. J'ai mon tourne-disque. Très bien. Et puis j'ai un magnéto aussi, mais qui est en réparation en ce moment. Je vois que même dans votre salon, il y a d'abord encore beaucoup de photos de Louis Mariano, mais c'est sous le signe de violettes impériales. Il y a beaucoup de fleurs, de petits napperons violets. Même le cendrier est violet, le vase est violet, avec la photo de Louis et des violettes factices, je pense, en dessous. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que déjà, personnellement, j'aime beaucoup le mauve. Et évidemment, il m'a aussi encouragée, parce que lorsqu'il était là et que j'avais du mauve, enfin, je sais qu'il aimait ça, il me faisait toujours des compliments sur le mauve. Alors évidemment, je mets un maximum de mauve, enfin, chez moi. Il venait vous voir ? Ah oh non, c'est ah moi bon. Qui allais le voir en Châtelet. Je pensais que... Non. Il y a la caravelle d'or encore en haut, là. Oui, bah, c'est-à-dire que là, normalement, c'est son petit coin dans ma salle à manger, c'est-à-dire la caravelle d'or, violettes impériales. Il y a eu dans la presse dernièrement des annonces de mariage à votre sujet. Oui. Ça a duré même un moment. Non, ça revient chaque deux ans. Maintenant, j'ai l'habitude, je ne fais pas attention. C'était qui d'ailleurs l'heureuse promise ? Maria. Non, la dernière, je pense que c'était Carmen Torres, non ? Ah, Carmen Torres. Oui, oui, oui, la dernière. Oui. Oui. Mais vous ne démentez pas, vous. Ça vous amuse. Oh, il n'y a pas de raison. Pourquoi voulez-vous ? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, on n'est pas à l'abri. Alors. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça ne mange pas de pain. En somme, vous avez absolument. D'ailleurs, dernièrement, on m'a téléphoné à Gomme. Il faudrait quand même qu'on fasse un nouveau mariage. Je dis, non, ça suffit. C'est pas tranquille maintenant. Mais trouver autre chose, peut-être, ça sera plus amusant. Oui, mais Bardot va peut-être être libre un jour. C'est pas impossible. Mais est-il vrai que. elle nettoie, parce que la tombe est constamment fleurie. Ah bah oui. Elle nettoie la tombe, elle enlève les fleurs. La tombe ne nous appartient pas. Hein. Bien sûr. C'est ça, quelquefois, bon, on rouspète, mais... Alors on va arriver, on va arranger la tombe, on va mettre des fleurs. Il y a une personne qui arrive derrière, un tout petit bouquet, tout poussé, pour mettre ce bouquet. La dernière qui arrive, il faut que le bouquet soit au milieu. Puis alors, ce qui est terrible, s'il y en a une qui met un bouquet de fleurs, par exemple, à 100 francs, l'autre dit, comment elle a mis un bouquet de fleurs à 100 francs? Moi, je vais en mettre un à 200 francs. Alors, il se bat, moi, je suis contre ça. Un jour, ce qui m'avait fait vraiment très plaisir, c'était parce que moi, j'y vais surtout à la tombée de la nuit pour ne pas tomber sur des gens, parce que de suite, il pose des questions, ou je ne veux pas voir personne. Et c'était la tombée de la nuit, c'était en été. Puis je vois d'un coup une voiture, camionnette, et puis je vois trois gars et puis deux filles qui descendent, là, des barbus, des genres de hippies, il y a 5 ans de ça, à peu près. Ils s'en vont directement au cimetière, puis il y avait une fille, il y avait un petit bouquet, mais des fleurs qu'on ramasse dans les champs. Je dis, oui, ils s'en vont ceux-là comme ça, ils ne vont pas à l'église. Puis je reste à un coin, je les vois. Eh bien, ils sont partis sous la tombe de Mariano. Les deux filles ont déposé le bouquet. Les garçons, ils ont fait une prière, ils sont restés devant la tombe. Les garçons sont restés à côté. Ils ont repris la camionnette, ils sont partis. Et j'étais ahuri. Parce que vraiment, c'était des... Il avait conscience d'être autant aimé de son vivant. Oh oui. Pas faussement, parce qu'on voit, enfin, la gloire posthume. Donc, j'aime pas beaucoup cette expression. Mais... Il savait qu'il était... Aimé, hein. Ça, il avait la reconnaissance pour toutes ses filles, quoi. Mmh. C'était son public, comme. Et de tous âges. Hein. Ah oui. Oui. Mais il a eu les mères et même des grands-mères. Oui. Il a eu trois générations. Une fois, c'était au théâtre de l'Empire après son opération. Il y avait une fille puis des gens qui attendaient à la sortie. Puis il y avait une femme qui avait un petit gosse. On n'arrivait pas à voir Mariano, alors elle prend sa fille dans les bras et pour qu'elle puisse bien le voir. Et puis la petite fille qui dit « Oh maman, qu'est-ce qu'il est beau oh, !»« Il est beau !» La mère fait « Ah, oh, il est beau hein, !»« Je voudrais tant qu'il soit mon père !» La petite fille et la mère qui répond « Et moi donc ah, ?» ouais. Quel ton arche joue et qui vibre tout au long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie, tantôt le son fatigué. Traîne avec mélancolie. Réciter un poème sur la tombe de Luis Mariano. Qu'est-ce que c'est ce livre de Luis Mariano? C'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est une œuvre poétique. Depuis sa mort, du 14 juillet 70 au 14 juillet 73. Oui. Alors voilà, c'est... Tous les deux, c'est des poèmes. C'est des poèmes, mais toujours sur lui, bien entendu. Oui, bien sûr. Quel est celui que vous préférez? Il n'y a pas de préféré. Je vois là, alors, au début, vous avez mis à mon très cher et inoubliable grand ami Luis Mariano. Vous ne connaissiez pas personnellement? C'est-à-dire, il faudrait tout d'abord que vous lisiez la biographie qu'ils m'ont fait. Ah, je la connais, la biographie de Luis Mariano. Mais non, la mienne. Ah, pardon, de vous. Oui. Le petit cimetière d'Arcange au Pays Basque est devenu un lieu de pèlerinage où se retrouve chaque année la foule des fidèles de Luis Mariano. Denise Luis ne manque jamais ce rendez-vous. C'est bien vous, Denise Luis. Oui. C'est-à-dire, j'ai assorti nos deux prénoms, je les ai liés. Ah, c'est pour en faire un seul. C'est vous. Parce que je ne veux pas faire connaître mon nom pour des raisons tout à fait privées et intimes. Bien sûr. Et on a pu la voir à la télévision réciter des vers sur la tombe. Oui. C'est sur la tombe que oui, vous oui, avez oui. récité des vers. Oui. Et vous étiez filmée par la télévision? Mais oui, parce que tout le monde m'a vue, même en Belgique. Ah non, mais je vous crois sur parole. C'est marqué même. Même en Belgique. Oui. Et vous venez régulièrement sur sa tombe? Oh, tous les mois. Tous les mois, je viens le fleurir. Et en été, j'ai des fleurs chez moi. J'apporte des peines valises de fleurs aussi. Vous apportez beaucoup de fleurs. Oh. Vous avez vu comme c'est... Il y a des belles... Oui. Et vous avez peut-être remarqué... Cette gerbe où il y a à mon prince charmant. Oui, c'est la vôtre. Bon, alors, oui, et toutes les fois, vous verrez cette... Elle est très belle, à mon prince charmant. À mon prince charmant, généralement, et même pour Noël, je lui mets des roses, vous voyez. Pour Noël, pour oui, Noël aussi, il a ses roses. Et vous habitez où exactement? Moi, j'habite dans les Charentes. Vous venez tous les mois des Charentes? Oui. C'est beau, c'est très bien. Et je vais en hôtel, je prends le taxi, tout ça. Oui. C'est pas fait à l'œil, n'est-ce pas? Voilà, j'ai fait. Mes livres ont été édités à Paris. Oui, vous pourriez pas m'en lire un. Pardon ? Vous ne pourriez pas m'en lire un, celui qui témoigne le plus de votre amour pour lui. Oh, écoutez, c'est très bizarre. Il faut le lire, le prendre dès le début. Vous voyez, c'est comme un roman, un journal intime. Oui. Vous comprenez ? Irrésistible appel. Oh, il y en a un qui est très beau. Les roses et les perles de cristal. C'est lequel, les roses et les perles de cristal? Les roses et les perles de cristal. Dans mon second livre. Oh, dans le premier, il y en a bien un aussi. Mais je vous dis, j'ai fait au jour le jour tout ce qui venait spirituellement, surnaturellement. C'est dans Louis Marianne, mon prince charmant, hein, qui doit être. De quoi? Celui dont vous venez de me parler, ce poème. Oui, mais vous savez, c'est une chaîne sans suite. C'est vraiment votre prince charmant, puisque c'est vous qui avez déposé cette gerbe de fleurs. Ah oui, et mon fleuriste ne donnera pas ce titre à d'autres. À vous exclusivement. Ah, bon, qu'à oui. Parce que je suis une cliente. Ne donnerait pas. Ah ben non, elle peut se mettre autre chose. Mais pas ça, c'est votre phrase à vous. Ah, moi, c'est d'ailleurs... Vous voyez, j'en ai fait mal. Comme les flammes agoniques, hein. Oui. Eh bien, c'est très mystérieux, cette chose-là. Imaginez-vous que le matin, au moment de me réveiller, il était trop tôt, disons. Oui. Et puis, tout à coup, je me suis assoupie et je vois comme ça, en lettres de flammes, les lettres agoniques. En lettres de flammes? Oui, rouge. Oui. Ça? Oui. Oh, j'ai dit, voilà un titre. Et donc, j'en avais déjà des titres, parce que tout ça, vous voyez, c'est au fur et à mesure que les idées m'arrivaient, m'étaient transmises. Moi, je dis, j'ai pas fait mon livre toute seule, ou mon œuvre seule. Bien sûr. J'avais Mariano avec moi, il me dictait, c'est tout à fait drôle. Lui. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, les roses et les perles de cristal. Oui. Ah, mais... À un moment donné... J'ai pas passé, là. À un moment donné, et vous n'écriviez pas avant justement. Jamais. C'est venu quand il est mort, comme ça m'a été transmis. Les roses et les perles de cristal. Oui, j'aimerais bien que vous me le lisiez. Vous les achetez, c'est vous? Oui, j'ai proposé à ma valeur. Oui, vous avez la chance, j'en ai deux, si vous les voulez, si on t'a dit. Les roses et les perles de cristal. C'est le lundi 4 décembre que je fis faire par monsieur le curé d'Arcangle pour montrer cher Luis Mariano une messe. Une messe qui commença très tôt. Je pourrais même vous dire que j'étais seule ce matin-là, à part quelques sœurs. Cependant, l'annonce avait été faite le dimanche par monsieur le curé d'Arcangle devant une foule importante. Croyez-moi que je fus très surprise et navrée, car aucune personne à cette messe n'a assisté. Lorsque la messe fut terminée, dans le cimetière, je me suis dirigée. Le jour se levait à peine et j'ai pu assister à un spectacle unique et magnifique comme je n'ai jamais vu de ma vie. Placé en haut des marches du cimetière, j'admirais ce beau pays basque d'or et de lumière. La vallée était plongée d'un brouillard léger, mais en fond de paysage, s'élevait au-dessus de ces majestueuses montagnes, s'élevait comme une aurore boréale, de toutes les couleurs, mais quelle couleur! Ce tableau, à ce moment-là, était irréel, d'une beauté sans pareille. J'avais l'impression que ce cher Mariano en était très fier, de toutes ces choses si belles qu'il me faisait admirer avec joie, comme s'il était là, tout près de moi. Ensuite, près de mon bien-aimé, je suis allée prier. Les roses que j'avais apportées la veille étaient encore très belles. Au lever de ce jour matinal, je les apercevais entourées de perles de cristal, que je comparais à de nombreuses larmes. Je pensais aussi que les roses avaient une âme et qu'elles avaient, avec mélancolie, pleuré toute la nuit, espérant que rien ne paraîtrait dès que le soleil se lèverait. Pour moi, qui suis d'une nature trop sensible, il me fut très pénible de sentir mon Mariano si triste. Et c'est en regardant ces merveilleuses roses accompagnées de larmes, de perles de cristal, que je fis immédiatement ce grand rapprochement. Les roses, à mes yeux, représentaient la joie et la gloire de notre grand artiste. Et les larmes de cristal, c'est avec mon cœur que je découvris l'âme de Mariano, l'homme très triste. Voici deux personnages très différents qui représentaient dans la vie mon si beau prince charmant. Voyez ces deux livres-là qui se sont présentés à la télé pour les faire connaître, parce qu'ils ont été édités à Paris, au Quai aux Fleurs. Vous savez, à côté de Notre-Dame. Et maintenant, ils sont 4 rue Charlemagne. Alors, justement, ceux qui voudraient ces livres-là, il faudrait que vous preniez l'adresse de la nouvelle adresse. Depuis le 1er septembre, c'est 4 rue Charlemagne, 75004. Mais en fait, c'est un message d'amour, là. Si vous voulez, c'est un journal intime. C'est votre journal intime dédié à Louise, quoi. Exactement. Exactement. Tout le monde, je ne sais pas, chacun était à la portée de le faire. Mais je crois que il faut réussir. Hein? Son dernier disque est aussi la fin d'un grand artiste. Si vous avez occasion de le prendre, ce disque, vous verrez combien c'est douloureux d'entendre, parce qu'il y a 12 chants, et le 12e est enregistré par l'orchestre américain. Alors, son dernier disque est aussi la fin d'un grand artiste. Oh, ces mélodies sud-américaines, c'est avec une profonde douleur que je les écoute et que je pleure. Mon si cher Mariano, ta voix, ta si belle voix, qui, arrivée à la fin de ton éblouissante carrière, douloureusement me vient à mes oreilles, car à la dernière limite de ta volonté suprême, je sens mon beau chanteur à la voix d'or que tu fais de pénibles efforts extraordinaires et surhumains avant de terminer ton chant jusqu'au bout, mais enfin. Tu ne peux hélas l'achever, mon très cher Louis, car tu étais trop épuisé. Sur ton dernier disque, mon beau prince charmant, tu ne pus enregistrer ton dernier chant. Ce fut l'orchestre américain qui le termina en nous jouant Bahia. Lorsque cet air, je l'entends, ô mon si doux prince charmant, je le considère comme la marche funèbre de mon beau prince de l'opérette, son dernier disque. Il est si émouvant, c'est une vie vécue, vous comprenez? Et quand vous avez appris que Louis avait disparu? Comment? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Sur lequel ton arche joue et qui vibre tout au long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie, tantôt le son fatigué, traîne avec mélancolie. Et vibrava l'unisson. Mon cœur est un violon. qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Nous sommes des Belges, nous venons de Courtrai, c'est pas loin de l'île. Donc c'est à 25 km de l'île. Si vous voyez où c'est, donc l'île, ça vous connaissez sans doute. Hein? L'île Courtrai, oui. L'île Courtrai, Courtrai. Et vous habitez où là? Courtrai. Non, mais je veux dire là, dans Arcand, vous habitez où? Ah, nous sommes chez Marie-Eder. Donc, Marie-Eder, oui. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Et vous venez tous les ans comme ça? Oui, c'est ça, ça fait pour elle la sixième fois, pour nous autres la cinquième fois. Et vous venez pour Luis Mariano? Ah oui, c'est ça, on l'a très bien. Vous êtes un ami de Patchy alors? De Patchy, oui, par... Par conséquent, évidemment, on a bien... et comme ils étaient toujours ensemble, ben, hein. Oui, ils sont venus chez nous la dernière fois le 11 décembre 59. Oui. Donc ça fait déjà quelques années. Hein. Mm-hmm. Oui. Et pour nous, ça, le vide est resté, que voulez-vous, ça, mais la vie continue. Le vide est resté, ah, oui. Ça par rapport à lui, c'est ah oui, évidemment, hein. Mais il était gentil. Mm-hmm. Vous le connaissiez? Oui, très bien, très bien. Vous l'avez pas connu? Hein? Ah non. Non, non, non, madame est trop jeune pour ça. Vous êtes gentil, je ne vous ai pas dit. Oui, mais c'est ça. Oui, 10 ans, mais 10 ans, ça fait un beaucoup de temps déjà. Oui, oui, oui. Oh, il était tellement gentil, ça. Il venait souvent chez vous? Ah, ben, c'est-à-dire à l'occasion, comme ça, quand il venait en Belgique. Quand il venait en Belgique, pour aller le voir. Ah oui, il venait, ou bien, parce qu'en Belgique, vous avez deux pays, vous avez la Flandre et vous avez la Wallonie. Je sais. Donc, quand il venait, mais comme la Belgique n'est pas grande, donc il n'y a pas de pays sans chez nous. Hein, donc, on habitait donc au centre d'une province, donc la province du littoral. Donc, et quand il venait à Charleroi, c'était à 100 km. On y avait. Donc, quand il était à Mons. Vous êtes bons amis de l'opérette. Oui, ah oui, c'est ça, on a très bien, on a fait. Et pourquoi vous connaissiez... Ah ben, c'est-à-dire, moi j'étais officier à la gendarmerie belge. Ah oui. Et alors, quand il a travaillé avec le Cirque plein d'air, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je sais, oui, oui, je sais. Moi j'étais invité, donc, à titre d'autorité de gendarmerie. Et alors, je dois dire, ce soir-là, c'était le soir... Il a perdu sa maman. On l'avait annoncé. Elle l'avait annoncé, donc aussi qu'il avait perdu sa maman. Alors, oui, ça a été démarqué. Alors, par après, par gentillesse et par mal de déférence, on lui a présenté nos condoléances. Oui. Alors, on a appris qu'il allait venir à Ostende, donc c'est tout près de la mer. Et là, on est allé le voir, il était dans sa roulotte. Alors, oui, on a dit, moi j'ai dit voilà qui j'étais. Oui, c'est ça, il a été touché par le télégramme. Vous étiez de grands admirateurs de ce vivant, de Luis Mariano. On l'aimait, on l'admirait. Vous avez tous ces disques? Oh, ça, les disques, c'est tout. Alors, c'est mademoiselle? Oui, c'est la fille. 26 ans. Et vous avez tous les disques de Luis Mariano? Vous êtes une servante admiratrice, alors. Vous étiez trop jeune pour vous inscrire, peut-être, enfin il n'y avait pas d'âge, je crois, mais pour vous inscrire au club des marianistes. Ah non. Jamais, jamais. Chez nous, en Belgique, on ne connaissait pas ça. Pas hein. Non, c'était plutôt ici en France. Hein. Oui. En Belgique, et puis après, Ostende, on l'a vu à Bruxelles, donc on l'a vu à Charleroi. Oui, c'est ça, les fidèles. Je n'ai pas bien compris, avec la mort de sa mère... Et là, on a envoyé un télégramme de condoléances. Oui, c'est ça. Après, là, il a été tellement touché de ça. C'est gentil. Quand, ça voulait dire que c'était quelqu'un qui avait du cœur. C'est ça, on l'a été voir. Par après, on l'a été retrouvé à Ostende. Et ça, il a. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'est la mort de la maman qui est à la base de cette amitié qui perdure toujours. On a envoyé le télégramme de condoléances, c'est comme ça, on l'a revu à Ostende parce qu'il avait promis de revenir à Roulès pour signer le disque. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous réalisez, madame, qu'à cette époque-là, il avait, moi j'ai lu les, j'ai fait les statistiques, etc. Il avait plus de 40 000, je ne dis pas admiratrices, ça c'était innombrable, incommensurable. Mais adhérente à son club. Donc, pour qu'il soit touché par un message de votre part, il fallait qu'il soit un être foncièrement sensible, etc. Peut-être que c'est parce que c'est venu de Belgique, je ne sais pas. De jeunes, comme ça, des polios, tout ça, à Saint-Fargeau. Et il s'occupait d'aller les voir. Et puis quand il y avait une première au Châtelet, quand il faisait une opérette au Châtelet, et il louait un car et puis on amenait les petits polios au Châtelet. Alors, il réunissait des admiratrices qui étaient plus ou moins libres. Et après, avec les gardes républicains, on prenait les gosses, on allait les porter dans les fauteuils. C'était beau à voir les gosses, la joie des gosses, et puis c'était triste au fond. Et on voyait des enfants avec un joli visage, avec un beau visage et tout. Puis quand on les prenait dans les bras, ils étaient maigres comme tout. On sentait la ferraille. Moi, j'étais malade pendant deux jours. Je crois que vous aviez le même cœur que Marianne. C'est pour ça que vous vous êtes senti très... Pendant deux jours, on était malade. Et à chaque fois, je sentais dans les mains le corps des gosses. Puis on voyait ces gosses-là qui riaient aux éclats, qui ne pouvaient pas applaudir et tout. Quand il allait en Belgique aussi, il allait chanter dans les préventoriums, comme ça. C'était tous les deux très chantés. Hein. Aussi bien Luis Mariano que Pacino. Des préventoriums où il y avait des malades, les gens toussaient, tous. Et il y avait le docteur qui faisait des conférences. Quand Mariano allait pour chanter, il partait rendre visite, il chantait trois ou quatre chansons. Quoi. Le docteur, il n'en revenait pas, il dit, écoutez, vous êtes resté pendant un quart d'heure ou 20 minutes, il n'y en a pas un qui a toussé. Moi, je vais faire une conférence, et on ne m'entend même pas parler, tout le monde tousse. C'était psychosomatique, comme vous disiez. Oui, oui. Oh, il était d'une gentillesse naturelle, exceptionnelle. Et toujours. Oui, oui, oui. Et là, vous connaissiez. Et derrière la coulisse aussi. Oui, oui, oui, parce que. Vous connaissez ensemble. En même temps que Louis. Ah oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, vous l'avez connu ensemble. En même temps. Ils venaient toujours ensemble. Et vous venez régulièrement depuis 6 ans, tous les ans. Oui. Ben, c'est-à-dire, nous venons ici depuis quand? Depuis septembre 71. Une année après la mort. Après la mort de Luis Mariano, nous sommes venus la première fois. Mais avant, vous connaissiez le Pays Basque? Non. Vous êtes venu grâce à Luis Mariano. Grâce à Luis Mariano, et on aime bien le Pays Basque. Et vous saviez qu'il était... Vous en avez parlé une fois du Pays Basque? Comment voulez-vous dire? Vous avez parlé du Pays Basque? Vous saviez qu'il était là? C'est-à-dire... Non, pas tellement. Il ne parlait pas tellement du Pays Basque, non. Non. Il parlait de tout. Il parlait de choses et autres, parce qu'il avait une culture générale très étendue. Oui. Il connaissait son pays, il connaissait aussi bien, assez bien la Belgique. Il a fait plusieurs fois la Belgique, Oui, je ne sais pas, c'est pas qui doit savoir l'ethnie qu'il fait. On était partout. Oui, il était très chic. Et vous restez combien de temps chaque jour? Ça dépend, comme ça, une huitaine de jours, une bonne semaine. Et les prochaines, vous reviendrez? C'est peut-être à Dieu. Nous sommes chrétiens, chrétiens, donc il faut tenir compte du bon Dieu. Louis aussi, hein? Louis aussi était très chrétien, très croyant. C'était un chic tout, mais moi, le vide reste, il restera longtemps. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir, peut-être demain, madame. Oui. Peut-être demain, non, demain nous allons à Lourdes. Mais c'est magique. Va le dire à ta maman. T'es déjà venu voir, Luis Mariano? Luis Mariano, t'es déjà venu voir? Tout ce que vous auriez voulu savoir sur Luis Mariano et les Marianistes par Daniel Lefebvre et Bernard Treton pour les Nuits Magnétiques a été diffusé pour la première fois le 18 avril 1980. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des Nuits sur le site franceculture.fr.